toujours piqué, je fais loin. Pas besoin marrer, ça qui j'assoude, pas bon Dieu. Si t'es là, je le montre qui m'en déperpétuité. Besoin vrai, pas besoin savoir si d'autre côté c'est blanc l'hiver. Manger dans bras moi, alors si vous oubliez, j'en me souhaite. Coutez-moi et j'y suis, mon senti que j'ai moins guéri. J'ai moins guéri.